الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. Toujours dans le livre Tessir al-Allam, Sharh Umdat al-Ahkam. La semaine dernière, on avait expliqué combien de hadiths? 4. Le 134e, 135e, 136e et 137e. Le 134e hadith, qui est le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, qui se propose pour le réciter. Un hadith court et simple. Tadal. Le 135e hadith, le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu également. Tadar. Man irtasala. ما رأى في ساعات الأولى فكان نما شرب فكأنما قرب بدنا ومن راح في ساعات الثانية فكأنما قرب ومن راح في ساعات الثالثة فكأنما ركب قرب كبشان أقرانا ومن راح في ساعات العربية فكأنما قارب دجاجة ومن راح في ساعات الخميسة فكأنما قارب بيضة نعم فإذا خرج الإمام فإذا خرج الإمام أدرت الملائكة يستمعون حسنت بارك الله فيك. Le 136e hadith, hadith de Salama ibn al-Akwa. Qui se propose? Hamid. Fadal. من الأكواع نعم كان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه كنا نصلي للحيطان نعم رواه البخاري ومسلم في تفسير مسلم كنا نجمع Thank you. Idazalat al-shams, c'est quand elle se secoue et tremble. Idazalat al-shams. ثم نرجع نتتبع الفي احسن تبارك الله فيك اي لو 137 حديث كي سي بروبوز تفضل هل أتى على الإنسان؟ نعم أحسنت. رواه البخاري ومسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى أو الشارح باب صلاة العيدين. في شيخ البسام رحمه الله دي chapitre des prières des deux fêtes. سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر والأعياد قديمة في الأمم. لكل مناسبة كبيرة يجعلون عيدا يعيدون في تلك الذكرى يعيدون فيه تلك الذكرى ويظهرون فيه أنواع الفرح والسرور ولكونها أعيادا من تلقاء أنفسهم فإن مظهرها يكون ماديا بحتا وأمد الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعيد الفطر وعيد النحر يتوسعون فيهما بالمباحات ويتقربون إلى ربهم بالطاعات شكرا لله على ما أنعم عليهم به من تسهيل صيام رمضان في الفطر وسؤال قبوله وعلى ما يسر لهم من أداء المناسك والتقرب ببهيمة الأنعام في عيد الأضحى وشرع لهم الاجتماع للصلاة في هذين العيدين ليتعارفوا ويتواصلوا ويهني بعضهم بعضا فيتحابوا ويتآلفوا وتتحقق هذه الاجتماعات الإسلامية من المصالح الدينية والدنيوية ما يدل على أن الإسلام هو الدستور الإلهي الذي أنزله الله لإسعاد البشرية. العيد a été appelé Eid car il revient et se répète. On appelait Eid, une fête de l'Eid, Eid car c'est un jour qui revient et qui se répète. Et les fêtes sont ancestrales dans les différentes communautés et dans les différents peuples. Pour chaque grand événement, il désigne une fête qu'il se renouvelle lorsque l'on se remémore cet événement. Et dans les fêtes, on y montre les différentes sortes de joie et de bonne humeur. Et parce que ces fêtes sont des fêtes qui proviennent de ces peuples, de ces êtres humains, eh bien en apparence, ce ne sont que des fêtes matérielles. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la fête de l'fitr et la fête du sacrifice. Afin que la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam use de choses licites et se rapproche de leur Seigneur par des adorations et des obligations. Ceci en guise de remerciement et de reconnaissance envers Allah Azza wa Jal de par les bienfaits dont il les a comblés en leur permettant de jeûner le mois du Ramadan. Et ceci, cette reconnaissance a eu lieu lors de Eid al-Fitr et également en demandant à Allah Azza wa Jal d'accepter de nous ce jeûne et en guise de reconnaissance, car Allah Azza wa Jal leur a permis d'accomplir les différents rites. et sacrifié pour Allah Azza wa Jal une bête, et ceci lors de Eid al-Adha. Et Allah Azza wa Jal a légiféré pour la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de se réunir pour prier durant ces deux jours, afin que les gens se connaissent mutuellement, afin qu'ils nouent les liens qui les lient, et afin qu'ils se félicitent les uns les autres, et ceci, eh bien, a pour conséquence que leur amour devient à chaque fois plus grand, et que leur unité est plus soudée. Et ces rassemblements islamiques apportent des bienfaits religieux et des bienfaits dans cette vie d'ici-bas qui prouvent que la religion de l'islam est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait descendre pour le bien de l'humanité. قال ابن القيم رحمه الله في الهدي ما خلاصته كان يصلي العيدين في المصلى دائما ولم يصلي في المسجد إلا مرة لما أصابهم مطر وكان يلبس للخروج إلى صلاتي العيد أجمل ثيابه وكان يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات وترا أما في الأضحى فلا يطعم حتى يعود من المصلى فيأكل من أضحيته فيأكل من أضحيته وكان يغتسل للعيدين ويخرج إليهما ماشيا وقال إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بلا أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة فإذا صلى قام مقابل الناس والناس جلوس فوعظهم ويفتتح الخطبة بالحمد لله ورخص لمن يشهد صلاة العيد أن يجلس للخطبة أو أن يذهب وكان يذهب من طريق ويعود من طريق آخر. Puis Cheikh Al-Bassam rahimahullah cite la parole de l'imam Al-Qayyim rahimahullah dans son livre Zad al-Ma'ad fi hadi khayr al-ibad. Il cite la parole de l'imam Al-Qayyim rahimahullah qui en résumé est ceci: que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait les deux fêtes dans Al-Musalla, dans cet endroit réservé pour la prière, un terrain vaste et vague. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait tout le temps les deux fêtes, et il n'a prié, dans le Musalla, il n'a prié dans la mosquée qu'une seule fois lorsqu'il y avait de la pluie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se rendait aux deux prières de l'Eid, il revêtait ses plus beaux vêtements sallallahu alayhi wa sallam. Et il mangeait des dattes en nombre impair avant de sortir pour se rendre à la prière de l'Eid al-Fitr. Quant à la prière de l'Eid al-Adha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mangeait qu'après être revenu de la prière et manger de la bête qu'il avait sacrifiée sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lavait, il faisait le ghusl pour les deux fêtes, et il sortait et se rendait dans Al-Musalla à pied sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il arrivait au lieu de prière Al-Musalla, il priait sans adhan, sans iqama et sans as-salat ou jami'a, et sans que l'on dise as-salat ou jami'a. Et lorsqu'il priait sallallahu alayhi wa sallam, il se levait, se faisait face aux gens qui eux étaient assis, puis les exhortait sallallahu alayhi wa sallam, et il commençait sa khutbah par alhamdulillah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'autorisation et a permis à celui qui a prié avec lui la prière de l'Eid de s'asseoir pour écouter l'exhortation ou bien de s'en aller. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait d'un chemin et retournait en empruntant un autre chemin. قال ابن دقيق العيد لا خلاف في أن صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعا وقد تواتر بها النقل الذي يقطع العذر ويغني عن أخبار الآحاد وأول صلاة عيد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة. الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله جي Il n'y a point de divergence sur le fait que les prières des deux fêtes font partie des emblèmes de l'islam. Et les informations rapportées concernant ces deux prières des deux fêtes sont rapportées de façon mutawatira, de façon authentique. Et comme on l'a dit à plusieurs reprises, tawatur, c'est le plus haut degré d'authenticité. Et la première prière de fête qu'a prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la prière de Eid al-Fitr lors de la deuxième année de l'Hégire. Entre parenthèses, cela ferait une bonne devinette. Quelle est la première prière de Eid qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? طيب, الحديث الثامن والثلاثون. Le 138e حديث. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة رواه البخاري ومسلم. Le 138e حديث. Selon عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم, أبو بكر et Omar priaient les deux fêtes avant la khutbah, avant le discours. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le sens général du hadith, Al-Ma'na l'Ijmali, كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يصلوا بالناس صلاة العيد في الفطر والأضحى ويخطبوا ويقدموا الصلاة على الخطبة ففيه تقديم الصلاة على الخطبتين وتأتي بقية أحكامه في الأحاديث بعده. Le sens général du hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude, de même que les califes bien guidés, de prier, de présider la prière de la fête, que ce soit Eid al-Fitr ou Eid al-Adha, et de faire un discours, et qu'il précédait la prière au discours. Il y a dans cela le fait que la prière se fait avant la khutbah, et le reste des jugements viendra dans les hadiths suivants. Al-Hadith al-Tasi'u al-Thalathuna ba'd al-Mi'ah. Le 139e hadith. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب رضي الله عنه يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة قال شاتك شات لحم قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا وهي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك رواه البخاري ومسلم. Selon البراء بن عازب رضي الله عنهما, il dit le prophète صلى الله عليه وسلم nous a exhorté le jour de l'Adha, le jour du sacrifice après la prière. Et il a dit, celui qui a prié notre prière et a sacrifié notre bête, il a alors sacrifié. Celui qui a sacrifié avant la prière, point de sacrifice pour lui. Abu Burdat ibn Niyar, qui est l'oncle maternel de l'Bara ibn Azib radiallahu anhu. Abu Burdat ibn Niyar a dit, ô envoyé d'Allah, j'ai sacrifié ma brebis avant la prière. Et je savais que ce jour était un jour de nourriture, de boisson, et j'ai voulu que ma brebis soit la première qui soit sacrifiée dans ma maison. J'ai alors sacrifié ma brebis et j'ai mangé avant de venir à la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sha'atu ka sha'atu lahm » Ta brebis est une brebis de viande. Autrement dit, c'est de la viande qu'il a mangée comme celui qui sacrifie une bête pour manger uniquement. Mais elle n'est pas considérée comme un sacrifice du jour de l'Aïd. Il a dit « Ô envoyé d'Allah, nous avons une petite chèvre et elle est plus aimée chez moi que deux brebis réunies. Me suffira-t-elle ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oui, et elle ne suffira à personne d'autre après toi. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Gharib al-Hadith, les termes qui méritent explication dans les Hadith. Nusuk, al-Nusuku al-Dhabh, wal-Nasikatu al-Dhabiha, wa ya'ti lima'anin majaziyah, lakin al-Murad huna ma zakarna wa jam'u al-Nasika Nusuk بضم السين أما سكونها فهو للعبادة ثانيا عناقا العناق الأنثى من ولد المعزى إذا قويت ولم تتم الحول وهو بفتح العين وتخفيف النون النسك qui signifie sacrifier et النسيك c'est la bête qui est sacrifiée. Et ici, c'est le sens qui est voulu, à savoir la bête sacrifiée. Et al-anaq, c'est la femelle de la chèvre qui commence à se renforcer, mais qui n'a pas encore atteint l'âge d'un an. C'est al-anaq. Al-ma'na al-ijmali. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الأضحى بعد صلاتها فأخذ يبين لهم أحكام الذبح ووقته في ذلك اليوم فذكر لهم أن من صلى مثل هذه الصلاة ونسك مثل هذا النسك اللذين هما هديه صلى الله عليه وسلم فقد أصاب النسك المشروع أما من ذبح قبل صلاة العيد فقد ذبح قبل دخول وقت الذبح فتكون ذبيحته لحما لا نسكا مشروعا مقبولا فلما سمع أبو بردة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي إلى الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم ليست نسيكتك مشروعة وإنما هي شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي عناقا مرباة في البيت وغالية في نفسي وهي أحب إلينا من شاتين أفتجزئ عني إذا أرخصتها في طاعة الله ونسكتها قال صلى الله عليه وسلم نعم هذا الحكم لك وحدك من سائر الأمة فلا تجزئ عنهم عناق من المعزى ما لم تتم سلا. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté le jour de Eid al-Adha après la prière. Et il aura expliqué les différents jugements et les règles qui régissent le sacrifice, son heure, le jour de l'Aïd. Il aura informé que celui qui prie comme cette prière, puis sacrifie comme ce sacrifice, qui sont la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a alors atteint le sacrifice légiféré. Quant à celui qui sacrifie avant la prière de l'Aïd, il a alors sacrifié avant l'heure dans laquelle l'on sacrifie la bête le jour de l'Aïd. Ainsi, sa bête sacrifiée n'est que de la viande et ce n'est en aucun cas un sacrifice légiféré et accepté. Lorsque Abu Burda, radiallahu anhu, a entendu le prône du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oh, envoyé d'Allah, j'ai sacrifié ma brebis avant la prière. Et je savais qu'aujourd'hui, c'était un jour dans lequel on mangeait, l'on mange et l'on boit. Et j'ai voulu que ma brebis soit la première qui soit sacrifiée dans ma maison. J'ai alors sacrifié ma brebis et j'en ai mangé avant de venir à la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ton sacrifice n'est pas légiféré, mais ta brebis n'est que de la viande. Il a dit, oh, envoyé d'Allah, j'ai en ma possession une petite chèvre femelle que je suis en train d'élever dans ma maison. Et je lui accorde une immense importance. Elle est plus aimée chez moi que deux brebis. Me suffira-t-elle si, en obéissance à Allah, je la sacrifie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui, et ce jugement est propre à toi, il t'est unique, et une femelle chèvre qui n'a pas encore atteint un an ne suffira à personne d'autre après toi. ما يؤخذ من الحديث أولا فيه تقديم الصلاة على الخطبة في صلاة العيد وأن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Ce qu'on le retient du hadith, premièrement, que l'on précède la prière à la khutba lors de la prière de l'Aïd, et que ceci est la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. ثانيا وفيه أن من حضر الصلاة والذكر ثم ذبح بعد الصلاة فقد أصاب السنة وحظي بالاتباع. Deuxièmement, il y a dans ce hadith la preuve que celui qui assiste à la prière et au rappel, puis sacrifie après la prière, a alors accompli la sunna et a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثالثا وفيه أن حضور الصلاة من علامات قبول النسك وأما من ذبح قبل الصلاة فإن نسكه غير مقبول وغير مجزئ. Troisièmement, que celui qui assiste à la prière, que cela fait partie des signes de l'acceptation du sacrifice. Qu'est-ce que cela veut dire? Que celui qui n'assiste pas à la prière et qui sacrifie, est-ce qu'il sera sûr d'avoir sacrifié à temps? D'avoir sacrifié au bon moment? Vu qu'il n'a pas assisté à la prière. Donc, d'assister à la prière permet d'être un repère du moment où l'on peut commencer à sacrifier. Lorsque la prière est terminée, eh bien, on est persuadé que c'est bon, on peut aller sacrifier. Donc, le fait d'être présent à la prière permet de faire par la suite un sacrifice qui sera accepté. Quant à celui qui sacrifie avant la prière, son sacrifice n'est pas accepté et n'est pas comptabilisé. Il n'est pas accepté et n'est pas comptabilisé. رابعا إن وقت الذبح يدخل بانتهاء الصلاة قال ابن دقيق العيد ولا شك أن الظاهر هو اللفظ أن الظاهر من اللفظ أن المراد فعل الصلاة وإرادة وقتها خلاف الظاهر فالحديث نص على اعتبار الصلاة ولم يعترض لاعتبار الخطبتين فمن ذبح قبله فلا يجزئ عنه ولو كان جاهلا قبل دخول وقتها. Quatrièmement, on retient de ce hadith que l'heure à partir de laquelle on peut sacrifier la bête le jour de l'Aïd, c'est la fin de la prière. Et c'est la fin de la prière, ce n'est pas la fin de l'heure de la prière. Quelle est l'heure de la prière de l'Aïd? Quelle est l'heure de la prière de l'Aïd? Après le shuruk, un quart d'heure après le lever du soleil, jusqu'à l'heure de dhuhr. Tout ceci, c'est l'heure de la prière de l'Aïd. L'heure dans laquelle il est autorisé de faire la prière de l'Aïd. Quand est-ce que tu sacrifies ta bête? Est-ce que tu sacrifies après que la prière ait été accomplie ou après que l'heure de la prière ne soit passée? Après que la prière soit accomplie. Car le Prophète a dit, « Man salla, salatana », celui qui prie notre prière. C'est-à-dire celui qui a prié avec nous, eh bien il peut aller sacrifier. Car certains savants ont cité que le nosouk se fait après que l'heure de la prière de l'Aïd soit dépassée. Et celui qui sacrifie, on retient aussi de ce hadith, que celui qui sacrifie avant l'heure, que cela n'est pas comptabilisé pour lui, même s'il est ignorant. Même s'il est ignorant. Car Abu Burda radiallahu anhu, il a fait cela par ignorance. Est-ce que le prophète sallam lui a dit non, c'est pas grave, tu ne savais pas? Non, il lui a dit Shatuka, Shatu lahm, ta brebis est une brebis de viande. Khamisan, wa fihi anna yawm al-eidi yawm farahin wa surur wa aklin wa shurb. Idha urida bidhalika idhharu ma'na al-eid fahuwa ibadah. Cinquièmement, on retient de ce hadith que le jour de l'Eid est un jour de joie, un jour dans lequel l'on mange, l'on boit. Et si cette joie, cette bonne humeur, cette nourriture et cette boisson, eh bien, lorsque l'on fait avec l'intention de montrer l'essence de l'Eid, eh bien, dans ce cas, c'est une adoration. Dans ce cas, c'est une adoration. Car le jour de l'Aïd, le fait de donner, d'immensifier les emblèmes de l'islam, c'est une adoration. Donc celui qui est content uniquement parce que c'est le Aïd, ou qui mange parce qu'il a faim et qui boit parce qu'il a soif, il n'est pas considéré comme ayant fait une adoration. Il faut qu'il le fasse parce que le jour de l'Aïd, c'est un jour dans lequel l'on mange et l'on boit. Pour cela que il est interdit de jeûner le jour de l'Aïd. Sadisan. Innahu la yujzi'u fil hadi wal adahi min al ma'za illa ma tamma lahu sana. Sixièmement, on retient de ce hadith que dans le hadi, qui est la bête que sacrifie le pèlerin, et dans l'adahi, les bêtes sacrifiées le jour de Eid al-Adha, que ne sont pas comptabilisées, ne sont pas comptées comme une bête sacrifiée, les chèvres qui n'ont pas atteint l'âge d'un an. Ainsi, l'âge minimum pour pouvoir sacrifier pour le pèlerin ou de sacrifier le jour de l'Eid une chèvre, il faut qu'elle ait au minimum un an. Si elle n'a pas un an, eh bien, cela n'est pas comptabilisé. Et pour cela que le prophète sallam a donné cette particularité à Abu Burda en lui disant qu'elle te suffit à toi et qu'elle ne suffira à personne d'autre après toi. Car il lui a dit qu'il avait une anaq. Et l'anaq, on a vu que c'était la chèvre femelle qui n'avait pas encore atteint l'âge d'un an. سابعا تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم أبا بردة بإجزاء العناق فهو له دون سائر الأمة. Septièmement, la spécificité qu'a donné le prophète صلى الله عليه وسلم à Abu Burda en considérant sa petite chèvre comme étant suffisante. Et ceci appartient à Abu Burda seul, sans le reste de la communauté. Et ceci est là, Yawm al-Qiyamah, et ceci jusqu'à la fin des temps. قال ابن دقيق العيد ثامنا قال ابن دقيق العيد رحمه الله وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل بخلاف المنهيات فقد فرقوا في ذلك فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل وقال الصنعاني ويدل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بإعادتها مع تصريحه بأنه لا يحسن سواها وكذلك أمر من نحر قبل الصلاة بالإعادة وهذه قاعدة نافعة. Huitièmement, on le retient de ce hadith. Il y a dans ce hadith la preuve que lorsque une chose est obligatoire et qu'elle est faite d'une façon contraire à ce qui est demandé, que celui qui l'a fait avec ignorance n'est pas excusé. Le fait de faire une chose obligatoire, de ne pas la faire comme il se doit par ignorance, cela ne justifie pas et cela n'est pas excusable, contrairement aux choses interdites. Ainsi, les savants ont différencié entre une personne qui fait une chose interdite par ignorance, dans ce cas-là on dit « Afallahu amma salaf ». Allah pardonne ce qui est passé. Tu as fait cette chose interdite, tu ne savais pas, Allah pardonne. Par contre, de faire une chose obligatoire, de ne pas la faire comme il se doit par ignorance, que cela n'est pas une excuse valable. Et les preuves sont nombreuses, et l'imam Sana'an, rahimahullah, dit, et ce qui prouve cela, c'est l'ordre qu'a dirigé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à cet homme qui a mal accompli sa prière, en lui demandant de la refaire, alors que cet homme a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Wallahi ya Rasulallah, la uhsinu ghayraha. Par Allah, ou envoyé d'Allah, je ne sais pas faire autre que cette prière. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois lui a dit, Qum fa salli fa innaka lam tusalli. Lève-toi, prie, car tu n'étais pas en train de prier. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas considéré son ignorance comme étant une excuse valable pour l'excuser de ses erreurs ou de ses manquements vis-à-vis de sa prière. Et l'imam Sana'ani, rahimahullah, cite comme deuxième preuve l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abu Burda de sacrifier, qui avait sacrifié avant la prière, de sacrifier après. Et ceci est une règle bénéfique. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.